Alors, nous reprenons donc cette dernière intervention de notre demi-journée avec un duo composé de Nicolas Tis et d'Hervé Joubert Laurencin. Alors, Nicolas, vous êtes doctorant ? Oui. Avec sous la direction d'Hervé Joubert Laurencin, donc à Paris, on ne dit plus Paris, ils sont à Paris Ouest, la Défense, de Nanterre la Défense. Donc sur Jean-Pierre, voilà. Mais j'ai fait mon master sur André Martin. Vous avez fait votre master sur André Martin. Donc là, on a essentiellement le matériau qui est la matière première qui va donc arriver de nous présenter de ce master. Deux mots sur Hervé Joubert Laurencin. Vous êtes donc spécialiste de la question de l'histoire des grands critiques de cinéma. Vous avez également dans Zoé Nip, dont on avait parlé ce matin. Vous avez travaillé pendant plusieurs années sur le fonds Bazin, auquel vous avez consacré beaucoup de travaux. Mais vous avez également une autre casquette qu'on remarque en filigrane ces dernières années. Dans le numéro qu'a dirigé Valérie Vignon, le numéro Émile Coll, vous êtes l'auteur d'une contribution qui s'appelle « Du bon usage des primitifs, Émile Coll dans les écrits d'André Martin ». Donc André Martin vous intéresse quand même depuis plusieurs années, même si vous n'avez pas écrit une monographie sur André Martin. Ça fait à plusieurs reprises, on sent qu'André Martin est quelqu'un de très important. Et vous dites dans le résumé de votre article, je vous cite, « André Martin ». Et d'abord, vous lui reconnaissez quelque chose de très important, c'est d'avoir contribué à la commémoration du cinquantenaire de la première parisienne de Fantasmagorie. Et donc, ce qui vous permet de dire qu'André Martin fut et reste le plus important critique, esthéticien et théoricien du cinéma d'animation mondial. Alors, vous vous intéressez, Hervé, à André Martin. André Martin s'intéresse à Émile Coll, comme Pascal Vimenet également le souligne dans le même numéro de Valérie Vignon, hein, le même numéro de 2007, de la revue 1895. Et par effet de miroir, vous êtes tous deux intéressés à un troisième larron de l'histoire, si on peut resituer le réseau, qui est Bernard Clarence, qui a consacré donc une partie de sa vie, donc, à travailler lui aussi sur André Martin. C'est-à-dire que André Martin s'intéresse à Émile Coll, Bernard Clarence s'intéresse à André Martin, et vous vous intéressez à Bernard Clarence. Est-ce qu'on a à peu près résumé tout le monde a suivi, c'est logique. Alors, à vous la parole, maintenant, pour me dire qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux fond Bernard Clarence. Merci. Alors, on va parler chacun son tour en essayant de ne pas prendre trop de temps. On va donc parler de l'un des deux frères Kamerazov, comme a dit tout à l'heure Cécile Noesser, puisque c'est comme ça que s'appelait Martin Boucher, mais celui qui s'appelait André Martin. Donc vous avez compris que ça sera très modeste, hein, nous ne sommes pas une archive de famille, comme on en a entendu hier, sauf pas une archive institutionnelle, hein, donc nous n'avons pas des fonds, ni une archive. Alors nous avons appelons ça une archive si on veut, mais plutôt un rassemblement de papier. C'est donc du non-film et c'est du papier, ça c'est sûr. La relation avec Bernard Clarence, c'est assez simple. On s'est juste connu à force de se retrouver au premier rang des fauteuils du Festival d'Annecy. Donc au bout de pas mal d'années, on a fini par se parler. Et puis après, on est devenu un peu inséparable, c'est-à-dire qu'on avait envie de dire du mal de tout ce qu'on voyait et de dire du bien du film ensemble. Et voilà, et puis il a fait une chose, moi j'avais commencé à faire une thèse sur le cinéma d'animation, donc André Martin me vient de là. Hein. À partir du moment où j'ai voulu faire une thèse sur l'animation, je me suis demandé ce que c'était, et je suis tombé sur les textes d'André Martin, que d'abord j'ai pu récupérer en grande partie de la collection de Raymond Maillet, hein, parce que j'avais connu Raymond Maillet à l'âge de 17 ans comme directeur du Festival d'Annecy, et il avait l'archive qui aujourd'hui est à l'AFCA chez lui. Et là-dedans, il y avait beaucoup de textes quand même d'André Martin qui étaient déjà récupérés et d'autres pas. Donc je me suis dit très vite que c'était effectivement le discours le plus complet et même presque unique à ce niveau de pensée, à ce niveau de réflexion et à ce niveau de connaissance aussi et d'érudition sur un domaine extrêmement précis. Et je crois mondial, effectivement. Je crois vraiment que... jusqu'à ce que quelqu'un m'explique qu'il y a un autre érudit qui connaît le cinéma d'animation international et qui a une pensée d'esthétique, de théorie, de philosophie, d'une grande d'érudition comme était André Martin, et avec un style assez flamboyant, assez dandy, donc un très grand critique, enfin parmi les très grands critiques de l'histoire de la critique. Peut-être que ça existe, mais je ne le connais pas pour moi, donc c'est le plus important. Et donc je me suis juste fatigué à aller chercher de faire la bibliographie la plus complète et de la donner en annexe de ma thèse. C'était toujours quelque chose pour commencer le travail. Donc elle n'était évidemment pas complète, d'ailleurs elle n'est toujours pas complète. Mais ce qu'on va vous présenter, c'est la suite en quelque sorte. Hein, puisqu'ensuite j'ai rencontré Bernard Clarins qui avait fait la même chose dans le but de publier les écrits d'André Martin, chose que j'avais rêvé de faire aussi, mais que je n'ai jamais ni eu le temps ni la possibilité de faire. Et lui, elle a réussi pour un volume. Donc tout le monde connaît ici peut-être ce volume jaune magnifique qui est sorti, parce que c'était chez Dreamland. Bernard Clarins avait fait absolument tout le travail de mise en page et de recherche et de pensée et d'écriture, et du coup il était bien. C'était un bon livre, c'était un beau livre, très bien fait. Malheureusement, il était annoncé comme tome 1, voilà, quelqu'un le montre ici. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de l'apporter, c'est heureusement que tu es là. Voilà. Il était annoncé comme tome 1, et effectivement, Bernard Clarins nous a dit plus tard qu'il avait prévu le tome 2, le tome 3, le tome 4, peut-être le tome 5, tellement il y avait, effectivement, quand on fait la suite de la biblio, il y avait de quoi en faire plusieurs. Donc, malheureusement, le livre a très vite été pilonné, ou vendu comme ça, donc on l'a retrouvé pour 1 franc à l'époque, ou 2 francs, donc j'en ai acheté une petite vingtaine un jour, il m'en reste encore quelques-uns, mais vraiment on le trouvait à l'encan. Donc c'est une histoire tragique qui est comme ces histoires tristes de l'animation. Le livre n'a jamais été, moi je me rappelle que je connaissais déjà Clarins, le livre n'a jamais été vraiment défendu, par exemple au Festival d'Annecy, où il y avait pourtant le monde entier qui pouvait tout d'un coup découvrir enfin quelque chose d'écrit. Mais le bibliothécaire lyonnais que je connaissais, qui avait été un temps au Festival d'Annecy, avait abandonné l'affaire. Et puis on avait transformé en vente de gadgets le kiosque, qui était autrefois une librairie, donc il n'y avait aucun espoir de vente culturelle et d'animation autour d'une pensée. Voilà, ben, c'est comme ça que Clarins et moi, on voyait les choses quand on était au premier rang du Festival d'Annecy. Et donc maintenant, on en est à un tout autre... Ensuite, Nicolas a fait un Master 2 sur André Martin, il a encore retrouvé des textes qu'on n'imaginait ni Clarins ni moi, quelques-uns, et puis depuis, on en a encore trouvé d'autres, et puis on espère aujourd'hui... Il y a des gens dans la salle qui en ont d'autres chez eux, et on espérerait bien les échanger ou les trouver. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir rassemblé tout ça. Malheureusement, Bernard Clarins est mort aujourd'hui, mais sa compagne, un jour où j'ai organisé une journée d'études, j'ai joint sa compagne en lui disant peut-être que Bernard avait des choses qui seraient importantes pour la journée d'études sur André Martin, et elle m'a dit oui, effectivement. Il m'avait demandé de tout te donner, et donc elle est arrivée le soir avec des cartons de déménagement, et elle m'a donné ce que j'appelle désormais le fond Bernard Clarins, parce qu'il a vraiment fait le travail de rassemblement. On pourrait appeler ça le fond André Martin, parce que c'est uniquement sur André Martin, dans l'idée de constituer une édition des œuvres complètes d'André Martin. Mais au fond, mieux vaut le dire Bernard Clarins, pour une autre raison aussi, que je dis rapidement, c'est que le livre qu'il a fait, le choix qu'il a fait, est un vrai travail, et est un travail magnifique, et est un livre dans le livre. Et de fait, c'est très bien fait, puisqu'il y a une partie éditée en gras. La partie éditée en gras, qui est vraiment en tout petits morceaux, ou en plus longs morceaux, qui sont des présentations très, très honnêtes et très humbles de Bernard Clarins, constituent en fait un travail historique inédit. Je n'ai jamais vu nulle part ailleurs des historiens parler de ces groupes cinéphiles. Les groupes cinéphiles, on parle toujours des mêmes. Et là, tout d'un coup, on découvre des autres groupes cinéphiles. Mon hypothèse, c'est que ce sont des groupes cinéphiles, ou au moins un, ou deux, ou trois, hein, pas beaucoup, de droite. Je pense que c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Je pense qu'on parle toujours pour des raisons X ou Y, d'ailleurs. Hein, je ne sais pas, que ce soit des gens de droite ou de gauche qui parlent, ou rien du tout. Il me semble qu'on parle toujours des groupes de... On connaît. Il y en a qu'on connaît. Mais ceux-là, me semble, je dirais, pas de droite radicale, hein, pas du tout, mais André Martin était un penseur, disons, de droite, hein, je pense, pas, mais pas une droite radicale, bien entendu, au contraire, un humaniste. Un humaniste, bon, et un dandy, quelque part. Mais je crois que c'est pour ça qu'on a oublié un peu ces groupes-là. Et tout ça, il me semble que la seule information qu'on trouve, c'est précisément dans ce livre, dans le livre, qui sont les écrits sur l'animation d'André Martin dans la présentation successive de tous les paragraphes qu'on peut rassembler de Bernard Clarins. Ça veut dire qu'il y a un vrai travail de Bernard Clarins qui existe et qui en soi fait libre et fait penser. Français. Voilà. Alors, maintenant, on en est à un autre moment. J'espère qu'il va fonctionner. Vous voyez, là, j'ai présenté les logos des gens qui me soutiennent depuis que je suis arrivé à Paris Ouest, et notamment le Labex H2H, qui donne de l'argent pour 3 ans pour un projet qui s'appelle Traverser Bazin, entre 2013 et 2015, donc qui a déjà 1 an d'existence, et qui ne se limitera pas à la valorisation des idées ou des travaux de André Bazin, mais qui s'intéressera plus au-delà d'André Bazin aux écrits suscités par le cinéma. C'est ça l'idée. Donc l'année prochaine, une autre étape, nous avons déjà travaillé sur Jean-Claude Biette cette année, Jean-Claude Biette écrivain, et nous continuons en décembre, et sur Bazin bien sûr. 2 livres vont sortir le 8 février prochain, un livre collectif et un livre personnel des écrits des 20 dernières années que j'ai écrit sur André Bazin. Et puis ensuite on va continuer le travail sur Bazin, avec une série de colloques à Canterbury, à Yale, à Paris. Et l'année prochaine, il y a une partie qui devrait être la tentative d'édition ou de valorisation du fonds d'André Martin. Voilà, si tout va bien. Hein, je suis en train d'attendre pour savoir ce qu'on va me donner comme argent l'année prochaine. Et si ça marche, voilà, on espère pouvoir faire ça. Bien. Il y a déjà eu, pour l'instant, quand j'étais à l'Université d'Amiens, donc une journée d'études sur André Martin qui a déjà défriché quelque chose et fait venir pas mal de surprises. Donc le Forum des images nous avait traité quelques films, ça on sait qu'ils existaient, mais Pierre Hébert, j'ai invité mon ami Pierre Hébert, cinéaste et aussi penseur et théoricien du Canada, et là ça devenait très intéressant parce que Pierre Hébert est venu et a fait un spectacle, a fait un workshop, mais il est venu comme chercheur. Et il est arrivé du Canada et il avait fait le travail de chercheur. Et ça tombait très bien parce que, en tant qu'artiste, il avait pensé tout d'un coup qu'il s'était remémoré qu'au début de sa carrière à l'ONF, il avait rencontré, il avait travaillé avec André Martin, et chose qu'il avait quasiment oubliée. Donc il a écrit des textes, vous pouvez trouver ça sur son blog, qui est extrêmement théoricien, avec des textes très longs. Il y a beaucoup de textes extrêmement forts de Pierre Hébert depuis longtemps sur son blog, pierrehébert.com, hein, je crois. Et là, vous avez un très très long texte sur son rapport à André Martin, qui était extrêmement intéressant. Donc quand il est venu à Amiens, il est venu avec du travail de chercheur, comme un chercheur universitaire, qui l'est en quelque sorte, comme, en tant qu'autodidacte. Et il avait trouvé des choses totalement extraordinaires, c'est-à-dire là où a travaillé André Martin, ce qu'a fait André Martin. Donc on savait qu'il avait rencontré Marshall McLuhan, qui avait fait un film sur Marshall McLuhan, qui avait fait peut-être le premier article français de vulgarisation de la pensée de McLuhan en France, au début des années 60. Mais il avait rencontré aussi Northrop Frye, donc un grand théoricien de la littérature chez les anglo-saxons, aussi important que Genève, Barthes et d'autres. Et Pierre Hébert nous a rapporté un énorme paquet de feuilles dactylographiées, une chose totalement inédite, qui est une discussion avec Northrop Frye sur le monde, sur la communication, sur le Canada, etc. Voilà. Bon, donc il y a déjà des choses, et puis on va essayer d'en ajouter. Donc il ne faut pas que je parte trop longtemps. Alors on va vous proposer une petite biographie très très très rapide de Bernard Clarins et la même chose d'André Martin, pour essayer de situer. Alors, j'ai commencé par présenter donc Bernard Clarins, qui nous a légué suite à son décès, on nous a légué toutes ses archives. Donc, pour vous expliquer d'où il vient, son parcours, dans les grandes lignes, jusqu'à justement le premier volume des écrits d'André Martin. Alors donc, Bernard Clarins vient à l'origine quand même du cinéma, il s'intéresse à la critique et suit plutôt les positivistes, donc les critique de positif. Il a connu Martin vers 1956-57. Martin, dont le premier texte a été publié dans L'âge du cinéma, la revue d'Adotirou, qui a ensuite écrit en positif. Il a été membre de l'ACA dès 1958, qui viendra la séparation ensuite. Donc l'ACA, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Association des artistes et amis du cinéma d'animation. Dans ce qu'on sait de lui, suite à donc, une discussion qu'on avait eue avec lui dans ses locaux, en 1960, il dirigeait la société de production Élysée Relations Cinématographiques. François Thomas, dans le panorama d'une génération désaccordée, un article qu'il a écrit dans un ouvrage intitulé « Le court-métrage français de 45 à 68 », écrivait « Plusieurs des films de Kirou en 60-61 sont produits par Élysée Relations Cinématographiques, société fondée par Bernard Clarins, et qui tente de concurrencer la nouvelle vague en luttant contre l'apolitisme de celle-ci. » Clarins produit également un court-métrage de Seguin, Une mauvaise nuit, sous 1961, dont Kirou est le conseiller technique et Jean-Paul Toroc l'assistant réalisateur. Ensuite, donc, Clarins a produit des films scientifiques comme La loi exponentielle, Ordre et désordre sur les ordinateurs en 1964, ainsi qu'une introduction à la théorie des ensembles et Esclaves sans âme en 1960 sur l'histoire et les principes de fonctionnement des machines à calculer. Il a aussi produit un film qui s'appelle Les Primitifs du 13e de Pierre Bibot, primé à Venise en 1960 sur un commentaire de Prévert dit par Arletty, et qui était un film sur la peinture, des expériences de peinture dans une classe du 13e arrondissement de Paris. De manière plus engagée, il a aussi aidé les membres du groupe de la ville de Chinon, qui s'appelle Zone Libre, à faire un film à partir de 1972, un film qui s'appelle Fontevraud, que certains connaissent ici pour son abbaye, mais là c'était pas du tout pour l'abbaye, c'était contre l'extension du domaine militaire quand la fronde du Larzac commence. Donc là, je cite son frère ou beau-frère, Philippe Denisot, sur cyclic.fr, qui disait « C'est à travers lui que les Chinonnais obtiennent des caméras de la pellicule. C'est encore par lui que transite la pellicule à développer, lui qui met à leur disposition une table de montage Atlas dans ses locaux parisiens. Les frais de laboratoire sont payés collectivement, l'aide de grands cinéastes est sollicitée, un accordéoniste enregistre quelques airs de musette dans une cuisine parisienne pour mettre en musique certaines séquences. » Ensuite, il commence aussi vraiment à s'intéresser au son, il faisait déjà un peu de radio, il devient ingénieur son sur le premier film de Romer, ça c'est lui qui nous l'a dit, Les Petites Filles Modèles, dont le premier assistant était Godard, le second Rivette, le monteur Jean Mitry et le stagiaire François Truffaut. Apparemment, ils ont tous été renvoyés et le film a été perdu. Donc là... voilà. Ça c'est lui qui nous l'a dit, après je ne sais pas si ça se trouve quelqu'un l'a retrouvé depuis. Ensuite, il entre au CSA, qu'il quitte forcément en 2005, et il participe au lancement des radios libres. Il a été membre du CTR de Paris, le CTR, donc c'est le Comité Technique Radiophonique, qui aujourd'hui a été renommé en CTA, Comité Territoriaux de l'Audiovisuel, qui sont dotés d'une compétence consultative auprès du CSA dans le cadre de l'examen des dossiers lors des appels aux candidatures pour les radios MF, MA et RNT, et du contrôle du respect de leur obligation par les titulaires d'autorisation. Il est aussi le fondateur de l'APROR, l'Association pour la promotion des radios rurales, et aussi de la FNRTAI, une des premières fédérations des radios locales en 1982. Parallèlement à ça, c'est pas tout donc, il a aussi été chargé de cours à Paris 1. Il a participé à la création de l'UFR Art Plastique, fondée par Olivier Revaud-Dallon et Marc Réménès. Clarins faisait deux cours, un sur l'engagement politique dans le cinéma, et l'autre sur l'animation, d'où son intérêt pour André Martin et la constitution d'archives. Il a fait ça jusque 1995. Donc si, à tout hasard parmi vous, quelqu'un aurait suivi les cours de Bernard Clarins et aurait encore quelques notes, on serait très très bon. Après 1995, il entend donc Chantal. Oui, moi j'ai suivi les cours, mais je ne sais pas où sont mes notes. Ah non, si jamais vous les retrouvez... Voilà. Voilà, bon, c'est ça. Voilà. Après 1995, il entreprend de publier les écrits de Martin. Donc, Dreamland, dirigé par Thierry Steff et l'éditeur, le tome 1 paraît, Clarins avait prévu 5 tomes, plus un sur les écrits qui ne concernent pas l'animation. Le second est prêt dans les archives. Donc, le tome 1 concernait les écrits de 62 à 65. Le tome 2 devait concerner, d'après Clarins, tout ce qui était autour de la création du Festival d'Annecy, de Trinca et du Festival de Tours. Les tomes 3, 4 et 5 parlaient aussi d'Annecy jusqu'à son départ au Canada, pour une seconde partie de sa carrière, en 1966. La même taille était prévue pour les 5 volumes environ, et plus un donc, sur ses écrits non animés. Voilà. Vous voyez, Clarins, c'est un type sympa. Et ça vaut le coup de raconter sa vie. Alors, André, même chose pour André Martin, mais alors très très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps d'en faire plus, hein, c'est vraiment, on a des années pour travailler sur tout ça, hein, tellement c'est énorme. André Martin, donc, né en 1925, mort en 1994, publie son premier article en 1952 dans L'âge du cinéma, qui a été dit. Et sa dernière production écrite connue à ce jour est un article d'encyclopédie paru en 1987 dans l'Encyclopédia Universalis. La différence entre 87 et 94, ça ne date de sa mort, c'est qu'une maladie invalidante l'empêche de travailler au-delà de cette date. Ce qui fait que quand j'ai commencé ma thèse, j'ai écrit à André Martin, dont on m'avait donné une adresse, mais on ne m'a jamais répondu parce qu'il ne pouvait plus écrire ni parler. En France, outre son activité de critique de cinéma dans les années 50, 49 articles dans les cahiers du cinéma entre 1953 et 1960, et plus occasionnellement dans Radio-Cinéma-Télévision, donc aujourd'hui Télérama, France Observateur, aujourd'hui Google Ops, Le Cinéma Chez Soi, Le Cinéma Pratique, Arcep, la revue lyonnaise, Cinéma Québec, Images et Sons, Banc-Titre et quelques autres lieux. Il est délégué, par ailleurs, il est délégué général d'une association de promotion du cinéma subventionnée par l'État, l'AFDC, à l'origine de l'actuel Festival d'Annecy. Il est présent à la création du groupe de recherche images en 1961 à l'ORTF. Il est producteur et réalisateur de films d'animation en association avec Michel Bochet, Société des films Martin Bochet. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude des PowerPoint, de la pensée PowerPoint. Vous voyez le beau garçon, c'est lui. Le dandy, c'est lui. André Martin. Martin Bochet, voilà, le film Martin Bochet. Les films Société des films machin. Puis en 1970-1980, à son retour d'un séjour au Canada, il est ingénieur de recherche à l'INA, Institut National de l'Audiovisuel, chargé d'une réflexion sur le devenir des images et particulièrement des images de synthèse. À ce titre, il contribue à fonder Imagina, le forum international des nouvelles images de Monte-Carlo, en 1981. Au Canada, après un premier voyage, invité par le Festival de Montréal en 1961, André Martin est engagé par Pierre Junot en 1965 comme directeur du service de recherche au CRTC, organisme canadien de gestion de la radio-télévision, et s'installe à Montréal de 1966 à 1974 avec sa famille. Il y réalise des films et prépare la rétrospective internationale du cinéma d'animation que la Cinémathèque canadienne, future Cinémathèque québécoise, allait offrir dans le cadre de l'Exposition universelle de Montréal de 1968, ainsi que la réalisation de son fabuleux tableau synoptique géant, celui-là. Ça, c'est elle que vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Donc, il est numérisé sur Internet, quelqu'un l'a fait, vous pouvez le trouver. Si vous faites Origine et âge d'or du dessin animé américain, vous le trouverez. Mais je vais vous montrer un peu. Ça s'appelle Origine et âge d'or du dessin animé américain de 1906 à 1941, exposé donc à l'Exposition universelle de Montréal de 68. Je vous montre un peu de détails quand même, parce que Pierre Hébert, un jour, m'a fait le cadeau de m'en donner un petit peu gros. Un peu déchiré, mais voilà. André Martin, vous voyez, ça commence à James Stewart Blackton, Edison, enfin, ça va de 1906 à 1941 avec fin de fermeture des Fleischer, première grève chez Disney, entrée en guerre des États-Unis, donc fin d'une époque, voilà, donc 1905-1941. Il s'entretient avec Marshall McLuhan qui contribue à introduire en France dans un long article documenté dans Images et Sons en 1965 et réalise sans le publier une série d'entretiens enregistrés de dactylographie avec Northrop Frye en 1968-69. Enfin, pour l'instant, ce que je sais de lui, on en saura plus. Hein. Ah, c'était moi. Ah, c'était moi, d'accord. Alors, je continue. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve ? Bah, on trouve que André Martin, par exemple, selon mon excellent collègue Antoine Lebec de Nanterre, c'est dans un de ses livres que j'ai trouvé cette remarque, c'est le premier à utiliser l'expression nouvelle vague, c'est bizarre, hein, c'est le premier à utiliser l'expression nouvelle vague pour le cinéma. Vous voyez, si je vous prends, voilà la page de sa longue série de textes dans les cahiers du cinéma sur Norman McLaren, qui est une publication à épisodes. Et vous voyez tout en bas, il y a une légende pour les photogrammes de Blinkity Blank. Et la légende, si je vous la mets en gros, Blinkity Blank est peut-être un poème dédié à l'apparition de la nouvelle vague, entre guillemets. Or, la nouvelle vague, à cette date, ne veut pas dire nouvelle vague au cinéma, mais c'est seulement l'expression qu'a utilisée François Giroud dans l'Express. Et qui est repris ensuite pour le cinéma. Bon, ça fait partie de choses qu'on a trouvées dans le fond, hein, mais bon, ça doit exister à Annecy, mais c'est une affiche d'une beauté assez terrassante. Ces mains qui sont peut-être celles de Trinca ou pas de Trinca, je ne sais pas si les mains sont même de Trinca, mais en tout cas, c'est une poupée de Trinca et ce sont des mains qui, moi je ne crois pas que ce soit les mains de Trinca, il avait des doigts plus gros, je dirais, mais ce sont des mains, c'est une idée géniale de faire une photo comme ça. Voilà. Alors quelques exemples toutes les branches de l'animation avec une forme classique, une des formes classiques de définition du cinéma d'animation par l'addition des techniques, ici représentée dans je ne sais plus quel magazine. Vous voyez, c'est signé copyright Derry et Martin 1960, reproduction interdite. Généalogie simplifiée des principales techniques d'animation avec les références aux films caractéristiques de leur emploi. C'est déjà une sorte de première version de l'immense. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que celle d'avant, celle-là, Origine et âge d'or, elle était sur un mur géant. Hein, c'était, je ne sais plus combien, la dimension, mais c'était 8 mètres sur 4 mètres. Voilà. Bon. Autre exemple, image par image, musée Château d'Annecy, été 77. C'est pas un incunable. Il y a d'autres exemplaires au Château d'Annecy sans aucun problème. Le 11e journée internationale du cinéma d'animation. Le cinéma d'animation français est maintenant centenaire. Bon, ça fait partie des façons de fabriquer des centenaires. Lui, il le fabrique en 77 parce que c'est l'exposition de 77. Donc il a trouvé, vous voyez en bas. Émile Reynaud, en envoyant à l'Académie des sciences le 20 juillet 1877 une note sur son praxinoscope et en déposant le 30 août de la même année en pu envoler une demande de brevet, etc. Donc la naissance est 1877, donc le cinéma d'animation a 100 ans en 1977. Voilà. De même que Gianalberto Baldassi publie son livre en Italie il y a 100 ans à la date de publication italienne, puis le publie en français il y a 100 ans à la date de publication française, puis il le publie en américain il y a 100 ans, et c'est trois dates différentes. Mais bon, peu importe. Troisième journée internationale du cinéma d'animation, Annecy, 7-12 juin 60, donc les troisièmes JK. Je vous déplie un peu le menu. 1905, qui raconte vraiment l'auto-mythologie et l'auto-fabrication, et en même temps la documentation réelle de ce qui s'est réellement passé d'un activisme de André Martin. En 56, à l'intérieur du Festival de Cannes, on crée les Journées internationales du cinéma d'animation, qui sont issues des Journées du cinéma, qui étaient fabriquées par l'AFDC et qui se passaient dans une ville de France. Puis on invente, au milieu du Festival de Cannes, des journées de cinéma d'animation particulier. Donc on est au moment de l'invention du vocable cinéma d'animation, 58, puis 60, et puis ensuite il y a déjà toute une presse extraordinaire sur cette invention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Radio Cinéma avec André Bazin. Ces premières journées internationales du cinéma d'animation auront été une révélation pour le public, mais plus encore peut-être pour les techniciens eux-mêmes. La plupart d'entre eux n'ont pas caché qu'ils ignoraient ou connaissaient mal et incomplètement ce qui se faisait dans leur domaine. Ah oui, c'est le nouveau nom cinéma d'animation, quoi. Personne n'avait ce nom-là jusqu'ici. Donc les techniciens eux-mêmes se disaient, ah oui, nous sommes du cinéma d'animation. Très bien. Et c'est Bazin qui le dit, donc, dans RCT, juste avant 58. Le Festival de Cannes s'inscrit-il ainsi dans une date décisive dans l'histoire du film d'animation ? Bah, c'est parfaitement juste en même temps aujourd'hui comme formulation. Le film d'animation est plus vaste, mais le cinéma d'animation, mais, à partir du moment où on le nomme comme ça. Bon, vous voyez, là, vous avez quelque chose qui intéresserait les gens qui s'intéressent aux expos, l'exposition fournie, l'envoi se fait auprès de l'expéditeur, les documents peuvent être un prêt temporaire, un dépôt, un don, etc. Voilà, enfin, Northrop Frye, c'est juste pour vous prouver que c'est vrai, 9 juillet 1960, André Martin dit... Martin, au début, qui s'adresse à son traducteur. Alors, Rodrigue, je voudrais revenir sur une distinction qu'avait fait M. Fry sur les nouveaux médias et les anciens médias, sur les caractères forcément expérimentaux, etc. Bon, c'était pour vous donner un petit aperçu rapide. Alors, moi, j'ai parlé des ajouts au fond sur imaginaire et appel à l'aide, si jamais quelqu'un aurait les textes. Donc, le dernier texte qu'on a retrouvé dans un ensemble et qui n'était pas connu, provient du fond de l'UNESCO. C'est un texte qu'il aurait écrit pour l'UNESCO au début des années 1960, qui est une espèce de catalogue de films, très peu théorique, contrairement à ses autres textes, mais assez important, et qui a été donné par Roxane Amery, qui est maître de conférence à l'Université de Rennes 2, et qui l'a retrouvé par hasard, et qui nous disait qu'il y en aurait peut-être d'autres. Donc il faudrait aller fouiller des côtés de l'UNESCO pour voir s'il n'y aurait pas d'autres textes dans les marins. Ensuite, il y a des plaquettes qui étaient distribuées chaque jour pendant les festivals de Tours et d'Annecy, dans lesquelles il écrivait régulièrement. Pour le festival de Tours, on a les plaquettes qui ont été faites en 59 et en 58, mais pas celles d'avant. Après un essai de contact avec la ville de Tours, ils ont eu du mal à répondre, ils n'auraient pas dans leur bibliothèque les plaquettes qui avaient posé dans les éditions précédentes. Donc là, pareil, il va falloir essayer de s'adresser à des collectionneurs ou essayer de trouver des gens qui auraient encore justement ce type de plaquettes. Pour Annecy, on a les plaquettes de 1960, mais pas celles de 62 ni de 64. Après, comme en 66, il part au Canada, je doute qu'il ait encore écrit dedans. Il faudrait également développer les recherches au Canada pour voir s'il n'y a pas eu deux ou trois textes miraculeusement écrits et qu'on pourrait retrouver quelque part. Donc, comme je disais juste avant, les cours à Paris, hein, comme en plus il a fait vraiment des cours de 1976, je crois, jusqu'en 1995, peut espérer justement trouver au moins une personne, voire un petit peu plus, qui aura des cours. Il y a également sa période de l'INA. La période à l'INA, en fait, il a Saint Mal écrit, mais il a collaboré dans différentes revues très variées comme Science et Vie Junior, je ne me souviens plus qu'il y a des deux, mais je crois que c'est Science et Vie. Plus bon titre et encore d'autres revues comme ça, donc il y a pas mal de revues qu'il faudrait encore essayer de défricher pour voir s'il n'y a pas un texte ou deux qui manquerait. Après avoir parlé avec Henri Fals qui dirigeait Martin quand il était à l'INA, Henri Fals m'a apporté quelques textes mais il n'en connaissait pas d'autres non plus d'André Martin, donc pour l'instant on pense avoir quasi intégrale de ces textes qu'il a écrits à partir de son retour en France en 1974, mais on n'est pas sûr non plus. Et puis, surtout, ce qui serait très intéressant, ce serait de trouver aussi ses films, parce qu'on parle d'André Martin théoricien, mais André Martin cinéaste est assez important aussi. Donc, on a quelques-uns qu'on a trouvés au Forum des images. Martin aurait également aussi réalisé des films au Canada, que là, on n'a pas trouvé, et qu'on chercherait. Ensuite, il y a aussi des documents audio ou vidéo également faits au Canada. Par exemple, sur le site de la RTC canadienne, on trouve une interview de McLuhan avec André Martin, très très courte, mais on peut supposer qu'il existe d'autres documents de ce genre et qu'il faudrait essayer de trouver. Donc, voilà. Sinon, un petit aperçu quand même de ce qu'on a, puisque là, je vous demande. J'ai parlé de ce qu'on a fait. Alors pour l'instant, il y a une vingtaine de boîtes de ce genre. Donc c'est doucement parce qu'on va passer pour des chameaux. Donc c'est des boîtes comme celle-ci, avec énormément de documents. Donc, j'ai énormément de documents qui concernent beaucoup André Martin, mais pas seulement André Martin, c'est pour ça que justement le fond Bernard Clarin, c'est intéressant. Parce que dedans, on a énormément de choses que Clarin a amassées afin de recontextualiser les textes d'André Martin, comme vous pouvez le voir dans son premier tome des écrits sur l'animation. Il avait terminé de quoi publier le deuxième tome, donc il a aussi amassé énormément de documents autour du Festival d'Annecy, par exemple, autour du Festival de Tours et d'autres festivals. On a également une boîte avec des CD. Alors dans ces CD, il y a deux types de CD. Il y a des CD avec des photos et des textes de Martin que Clarins a sauvegardé, plus des CD d'entretien qui là sont très intéressants. Un CD d'entretien plutôt long avec Pierre Barbin, dont on parlait hier. Un CD d'entretien avec Geneviève Martin, donc la veuve d'André Martin. Un autre avec Gaucher, qui est décédé depuis, d'où l'intérêt aussi de ce CD. Plus Georges Gondrand du Festival d'Annecy. Du Ciné-Club d'Annecy. On a donc, parmi tous ces textes, il y a également des choses qui ne concernent pas directement Martin, c'est pour ça qu'ils sont assez étonnants, je ne sais pas d'où ça vient par exemple. Un texte sur Hitchcock publié dans un numéro de Télérama, pourquoi personne ne sait. Un texte donc, qui n'a aucun rapport avec Martin, qui date d'il y a des années 90 par exemple. On a aussi toute une documentation autour de John Alas et Raymond Maillet quand il y a eu des problèmes dans les années 70 à la CIFA. On a pas mal de documents sur l'exposition universelle du cinéma d'animation à Montréal avec différentes plaquettes, plus des dossiers de presse ou des choses comme ça. Ça soit des originaux parfois ou des photocopies. Donc voilà, dans l'ensemble. Ah, et on a complété ça avec, bon, par exemple, l'entretien dont je parlais tout à l'heure avec Henri Fals, l'entretien avec Clarence que j'avais réalisé, enfin, qu'on avait réalisé, plus les documents que nous a apporté Pierre Hébert, par exemple, l'interview avec Pierre Hébert et d'autres CD d'entretien qu'il a réalisé. Voilà, pour un aperçu. Voilà, on va s'arrêter là. Et vous pouvez discuter avec nous, si vous avez des choses à nous donner. Merci. Je voulais savoir en tout, du coup, ça fait combien d'articles combien il a? Bon, la bibliographie, elle, c'est un peu plus de 130, on est à 136. Et après, il faut maintenant qu'on fasse un inventaire complet pour savoir si dans ce qu'on a, on a des choses qui vont s'ajouter à cette 136 qu'on avait repérée. Voilà. Alors, une intervention déjà. Donc, allez, merci. Je voulais juste signaler que le volume 1 de Bernard Clarence, les écrits d'André Martin, est encore disponible chez Isa. Oui, on peut encore acheter le livre. Chez Isa. Vous voulez dire republié chez notre éditeur ou bien disponible dans la librairie d'Isa? Oui, d'accord. En ligne, En ligne aussi. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il n'a jamais vraiment disparu. Non, non, non. Toujours à peu près acheté. J'ai modélisé un peu le temps chez les soldeurs. Ça n'a pas été un pilonnage définitif, mais ça a été une mise au. Il y a tout un fond, moi je préside en Belgique à Bruxelles, dans un bouquiniste qui se trouve du côté de la gare du Midi, qui a racheté tout le fond de Rivland en fait. Du Martin, il y a vraiment tout le fond de Rivland et tous les derniers ouvrages de Rivland, au moment où la société disparaissait, donc il y a tous les derniers ouvrages à plusieurs dizaines, voire 20 exemplaires chacun. Donc ça se trouve, ça s'appelle Videopolis, voilà pour l'adresse, ça se trouve rue du Midi, gare du Midi à Bruxelles. Oui, c'était pas vraiment une question, mais du coup je voulais revenir sur la période IMA dans les Martins, puisque forcément c'est ce que je connais le mieux, parce que c'est trois images de synthèse. On a aussi quelques témoignages de personnes, de l'équipe qui a travaillé avec lui à l'INA quand ils ont monté Imagina, et surtout qui parlent beaucoup de son retour du Canada, donc, et de toutes ses expériences avec Peter Foldes, de son envie donc, de retour en France, de tester justement ces possibilités de l'ordinateur. Donc si vous voulez, on pourrait échanger des choses. Moi, je veux bien voir votre entretien d'Henri Pals aussi. Mais alors, il faudrait peut-être plutôt voir du côté de Philippe Kéo, parce que c'est surtout lui qui a écrit à ce propos-là, et qui serait peut-être au courant de textes écrits par André Martin. Oui, il était étroitement... Oui, voilà. Et peut-être qu'il... Enfin, c'est assez... C'est la télévision. Oui, alors c'est assez problématique, parce qu'effectivement, Kéo a peut-être aussi pas mal piqué la vedette à ce moment-là. Beaucoup d'idées. Voilà. Beaucoup d'idées de Martin, c'est ce que nous dit Pals. Alors, il faut savoir que le fonds Imagina, du coup, vient d'être véritablement numérisé par l'INA, et donc on va avoir accès à tous ces documents-là. Je ne sais pas quelles sont la part des écrits véritablement de travail. Et si vous voulez, vous avez quand même vu Maison Vol, qui est le premier, premier court-métrage scénarisé, et donc réalisé en partie par André Martin, qui est au générique. Et c'est vrai qu'on sent vraiment sa présence et sa touche pour toutes ces connaissances de l'histoire du cinéma et de l'animation. Je serais très curieuse de beaucoup échanger parce que c'est aussi un commencement de travail. Hein. Même si on a déjà travaillé et arrivé à certains résultats, on a aussi beaucoup de choses à découvrir, à connaître et des endroits qu'on ne connaît pas où André Martin est passé. Il y a assez énormément d'endroits. Hervé a laissé quelques papiers, à mon avis, j'en ai vu quelques-uns quand j'ai été au fond du comité d'histoire de la télévision. Ah. D'accord, oui. Oui, je voulais juste ajouter une petite chose pour répondre, on ne va pas pour répondre, mais pour ajouter. Je n'ai pas dit des choses essentielles en même temps, c'est-à-dire que vous comprenez bien que, vous l'avez dit vous-même, il se trouve à des endroits charnières. C'est une espèce de feu follet, de farfadet qui se trouve toujours à l'endroit où il se passe quelque chose. Et donc, il est vraiment le principal activiste qui fait admettre le syntagme du cinéma d'animation. Et puis après, il y a la fondation quand même des nouvelles images en France. Il est le principal, celui qui émule la sérénité. Hein, donc, c'est quand même un personnage extraordinaire, de ce point de vue. C'est juste un complément. Il y a toute la... Là, je suis sur Ina Media Pro. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans le Martin qui sont disponibles. Ces films, si vous les cherchiez, pas des infos, etc. On les trouve, par ailleurs, Jean-Baptiste se réagira par rapport aux archives de l'AFF. Mais Ina permet quand même d'avoir accès, non seulement à ces films d'auteur, entre guillemets, ce qui est Martin Bochet, ça. Mais aussi les séries qu'il a faites. Il a fait des séries documentaires une très grande série documentaire sur le dessin animé et plus largement sur l'animation, sur son animation. Peut-être pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Donc, le dessin animé français, panorama du court-métrage. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en ligne. Bon, il faut avoir une diapo, mais c'est pas un problème. Vous pouvez évidemment, quand vous êtes sur Paris, aller là-bas tout simplement. Mais le 7e art bis, qui est une super série, je ne sais pas si vous l'avez vu, peut-être que ça serait intéressant de faire une recherche un peu méta sur ces productions pour la télévision. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des productions jusqu'en 66 et dès son retour à partir de 74. Donc en fait, il a produit pour l'ORTF, puis ensuite à son retour pour l'INA. Puisqu'il travaillait là-bas. et donc au niveau de la, enfin, il y a 75 à l'intérieur humain, pour faire un tas de choses. Enfin, voilà, c'était. Mathis, tu veux rajouter Non, mais passer à la maison, quoi. Bien sûr. Non, non, mais on a un point. L'archive française du film, voilà, c'est. La maison, c'est voilà. Non, parce qu'on a, on a quelques recueils de presse d'Annecy, mais aussi de Tours. Dans le fond, Étienne Reich, il y avait quelques, en complément des photos, il y avait aussi quelques, donc, quelques, c'est pas des recueils de presse, mais c'est des journaux de Tours. Il y en a peut-être deux ou trois, hein, c'est pas énorme. Bon, on a le premier film d'André Martin et Michel Bauchet, qui s'appelle Radiophilique, qu'ils ont fait en 47, je crois. But pour justement un réparateur de radio. Alors c'est très simple, c'est très anecdotique, mais au moins là, donc voilà. Et puis bon, d'autres films comme ça, on n'a pas l'exhaustivité bien évidemment, mais on a des choses, et je pense qu'en en cherchant bien, on va trouver des choses intéressantes. Merci, on passe tout de suite à la table ronde parce que nos intervenants vont à un, on va devoir partir très vite. Donc on passe tout de suite à la table ronde. C'est un peu abrupt. On est très pressé.